Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons encore une fois aller vers le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, et nous allons, Dieu voulant, terminer le chapitre 11 aujourd'hui. Notre bon Père du ciel, nous voulons nous courber encore une fois devant ta parole, parce que ta parole, c'est toi, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu as déclaré. Notre bon Père du ciel, aide-nous à bien comprendre encore ce matin ce que tu voulais nous dire. Et accepter dans nos vies ce que tu as planifié. Que ce soit des jours de soleil ou des jours de pluie, que ce soit des jours de santé ou des jours de maladie, que ce soit des jours d'abondance ou des jours de diète, des jours de succès ou des jours de manque, de découragement, qu'on puisse toujours marcher, Seigneur notre Dieu, par la foi. Tu vas accomplir ce que tu as dit. Tu vas accomplir ce que tu as dit. Donne-nous de bien comprendre ce que tu as dit, de bien chercher ce que tu as dit, car notre foi s'appuie sur ces déclarations par toi, par ta parole. Conduis-nous par ton esprit encore ce matin. Amen. On a vu dans les journées passées que la foi n'a rien devant elle avant que Dieu parle. Dieu parle, Dieu déclare, Dieu annonce, Dieu promet, et dans sa grâce, il donne la foi pour qu'on puisse croire en ce qu'il a dit. C'est ça la foi. Ne voyons pas dans la foi un outil ou un instrument ou une capacité d'avoir ce que l'on veut. Faisons attention à bien interpréter les passages, surtout dans les évangiles, quand il dit « si tu as la foi, tu vas voir ces choses s'accomplir ». Demande tout ce que tu voudras et tu vas l'avoir. Faisons attention quand on interprète ces textes-là dans les évangiles pour bien saisir ce que Jésus voulait dire. Et selon ce que je crois, ça ne vient pas du tout en contradiction avec le chapitre des Hébreux ici. L'auteur ici n'encourage pas ses lecteurs à prier davantage afin d'être délivré ou afin d'être protégé de ce qui leur arrive. On sait qu'ils sont dans des moments de difficulté. Hein, on en a vu. Qui étaient allés en prison, qui étaient malades, qui étaient rejetés, qui avaient tout perdu leur bien. On a vu ça. Puis on va le voir dans le chapitre 12, qu'il y a des difficultés dans la vie. Jésus ne nous a pas dit qu'il nous donnerait une vie sans difficulté. Jésus n'a pas promis que les chrétiens n'auraient pas de problème. Quand je veux avoir une foi forte, une foi ferme, je dois premièrement bien comprendre les promesses de Dieu, bien analyser les déclarations de Dieu, bien comprendre les prophéties de Dieu. Vous vous souvenez probablement, surtout ceux de ma génération, surtout ceux même qui ont été élevés dans la même église que moi, il y avait une de ces passages qu'on prenait dans les proverbes, « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. » On prenait ça comme une promesse. que si on élevait bien nos enfants dans la foi, que quand ils seraient grands, ils seraient chrétiens puis ils marcheraient dans la foi. Mais le texte ne dit pas ça. D'abord, le texte n'est pas une promesse, le texte est un proverbe. Et un proverbe, ce n'est pas une promesse. C'est une déclaration qui, naturellement, normalement, ça fonctionne de même. Les enfants ont tendance à suivre l'instruction des parents. Tendance, généralement. Et la preuve, beaucoup de parents ont vu leurs enfants quitter les églises, rejeter la foi, adhérer à d'autres fois. Et pour certains d'entre eux autres, sont déjà morts en dehors de la foi. Donc la promesse n'était pas vraie. D'autres, certains vont dire, oui, la promesse était vraie, c'est juste que j'ai mal élevé mes enfants. Quel sentiment de culpabilité. Pour rien. Donc, il faut faire attention. Quand je dis Dieu a promis, faisons bien attention pour voir est-ce que Dieu a vraiment promis. Et c'était une promesse à tous les croyants, à tout le peuple de Dieu, pour tous les âges. Peut-être que la promesse s'adressait à quelqu'un à un moment donné. Je vous conseille pas de vous jeter dans le feu comme Daniel, espérant que tu ne brûleras pas, parce que c'est pas mal certain que tu vas passer au feu. Donc, il faut faire bonne attention quand qu'on dit que Dieu a promis, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que Dieu a fait une prophétie? Est-ce que je comprends bien la prophétie? Est-ce que je l'applique bien la prophétie? Je l'interprète, est-ce que je l'interprète bien? Ça, c'est important. Hein? Donc, nous allons continuer à la suite de ce qu'on a vu, Abel, Enoch. On a vu Noé. On a vu Abraham. On a vu Sarah. Ensuite, on a vu Isaac, Jacob. On a vu Joseph. On a vu Moïse. On a vu Josué. On a vu Rahab. Tous ces hommes et ces femmes de foi qui ont eu une ferme assurance des choses qu'ils espéraient. Ils l'ont démontré dans leur vie qu'ils croyaient aux choses invisibles qu'ils ne voyaient pas encore. Je me souviens quand j'étais jeune croyant qu'il y a des séries qui avaient été faites sur les hommes et les femmes de l'Ancien Testament pour nous inviter à imiter leur vie morale. Le texte ici, puis même dans le chapitre 12, nous invite pas à imiter leur vie morale, mais d'imiter leur vie de foi. Parce que beaucoup de ces hommes et de ces femmes, leur vie morale était très, très branlante à bien des fois. Bien, bien, bien des fois. Qui ont fait des choses scandaleuses. Mais ils sont mis devant nous dans le chapitre 11 parce qu'ils avaient la foi en ce que Dieu avait déclaré. Nous allons lire, si vous voulez bien, verset 32 jusqu'au verset 40. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées aux tourments, n'acceptèrent point la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénudés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc, l'auteur ici, il dit, j'ai pas le temps de tout énumérer, de tout vous parler de ces hommes et de ces femmes de foi. Il dit, je pourrais vous parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes comme Élie, comme Élisée, comme Jérémie et tous les autres. J'ai pas le temps. C'est trop long. Puis là, il va les diviser en deux pour nous faire comprendre quelque chose. Il va les diviser en deux comme il y en a pendant leur vie que leur foi les a emmenés à accepter, à faire de grandes choses, à vivre de grands moments formidables. Il dit, ils vainquirent des royaumes. Donc, ils sont allés à la guerre puis ils ont gagné. Comme David qui a délivré tout Israël de ses ennemis. D'autres exercèrent la justice comme Salomon. D'autres obtinrent des promesses. Donc, de leur vivant, les promesses qui avaient été faites se sont accomplies. D'autres fermèrent la gueule des lions. D'autres éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre comme David devant Goliath, et mirent en fuite des armées étrangères. D'autres recouvrèrent leur mort par la résurrection, comme la veuve avec Élie, dont l'enfant était mort. Il dit, tous ceux-là, pendant leur vie, à cause de leur foi, firent des grandes choses, vécurent de grandes choses. Dieu leur avait annoncé de grandes choses et ils le virent s'accomplir. Ils virent des armées qui venaient pour les attaquer, les assiéger. Dieu faisait une annonce, Dieu faisait une prophétie. Et pendant la nuit, un ange passait, puis il tuait toute une armée. Comme avec Gédéon. Des grandes victoires. Et on les lit, quand on lit l'Ancien Testament, puis oh, on aimerait voir de grandes victoires comme cela. Dans nos vies. Mais, au verset 35, d'autres, un autre gang. Puis peut-être certains ont vécu les deux, des grands moments de victoire, des grands moments de défaite. D'autres, eux autres, ils furent livrés au tourment. Et ils sont morts. Les autres, ils n'ont pas été guéris de leur maladie, ils sont morts. Ils n'ont pas gagné les guerres, ils sont morts dans la guerre. Ils ont persévéré, au verset 35. Ils ont accepté la mort, sachant qu'il y avait une meilleure résurrection, qui était pour ressusciter un jour, parce que la résurrection faisait partie de la foi juive. On en voit, Paul en parle dans le Nouveau Testament, qu'il y avait cette foi-là dans la résurrection. D'autres, au verset 36, subirent les moqueries, le fouet, la prison. D'autres ont été lapidés, sciés, torturés, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chef, dénudés de tout, persécutés, maltraités. Donc, il y en a qui ont vécu de grandes victoires, d'autres de grandes souffrances. Mais tous les deux marchent par la foi. Allons-nous marcher par la foi dans ce que Dieu emmène dans nos vies? Ou si on va penser que par la foi, on va faire changer ça? Dieu avait calculé que je serais emmené en déportation en Babylone, mais je vais prier, puis on va pas aller à Babylone. Ou si par la foi, tu vas à Babylone, comme Dieu le prédit. et croyant à Babylone que un jour tu reviendrais en Israël, comme Dieu l'avait promis à Jérémie. Tu vas t'emmener, le peuple va t'emmener en captivité pendant 70 ans, puis il va revenir. Donc, il y en a par la foi qui sont partis à Babylone sous l'esclavage. Il y en a par la foi qui sont venus de Babylone reprendre possession du pays de Canaan ou du pays d'Israël. Il y en a qui ont reçu eux la résurrection de leurs enfants, de leurs maris, de leurs femmes. D'autres, par la foi, ont accepté la mort de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs maris. C'est pas par la foi que je vais changer le plan de Dieu. Mais par la foi, je vais vivre dans le plan de Dieu. Je vais accepter le plan de Dieu. Je vais persévérer dans le plan de Dieu. Par la foi. Par la foi. Au verset 38, « Eux dont le monde n'était pas digne ont erré dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les hantes de la terre. Ils ont souffert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous ceux-là, ceux qui ont vécu la victoire et ceux qui ont vécu la défaite, ceux qui ont été malades, ceux qui sont morts, ceux qui ont vécu la maladie, ceux qui ont accepté la mort de la maladie, tous ceux-là, à la fois desquels a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Tous ceux-là sont pas allés jusqu'à la fin de ce qui avait été promis. Ils sont morts sans l'accomplissement complet des prophéties et des promesses. Ils sont tous morts. Mais aujourd'hui, on rend témoignage de leur foi. On avait vu au verset 2, hein, ils ont reçu un témoignage favorable. Ils disent, sans la foi, il est impossible au verset 5 d'avoir un témoignage favorable. Ici, on rend témoignage à ces hommes et à ces femmes parce qu'ils ont vécu par la foi. Ils ont vécu par la foi. Et à cause qu'ils ont vécu par la foi, on rend témoignage à leur vie de foi. Ils sont morts jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont regardé de loin ce qu'ils devaient recevoir comme promesse de Dieu. Et au verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Donc, tous ces hommes de foi de l'Ancien Testament, nous, les ceux du Nouveau Testament qui vivons avec la même foi, la même sorte de foi, dans les promesses de Dieu, dans les prophéties de Dieu, nous allons tous ensemble recevoir finalement l'accomplissement des promesses. Nous allons recevoir l'accomplissement des promesses dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, à la résurrection de tous les morts. Tout Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Paul, François, on va tous ressusciter en même temps pour prendre possession des nouveaux cieux, nouvelles terres et de vivre avec notre Dieu. La foi, c'est ça la foi. C'est ça. C'est pas autre chose que ça, la foi. La foi, c'est pas, je crois que je peux changer les choses que Dieu amène dans ma vie, mais la foi, c'est, j'accepte, je crois que ces choses-là ne font pas obstacle à l'accomplissement des prophéties de Dieu, des promesses de Dieu. Notre Père du ciel, merci. Merci de ce que tu fais dans nos vies. Merci de ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci que tu vas accomplir tout ce que tu as dit. Nous en sommes convaincus. Nous en sommes convaincus. Et cette conviction ne vient pas de nous, mais ça vient de toi, de ton Esprit Saint, qui nous a régénérés, qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a donné la vie éternelle. C'est à cause de cela que nous croyons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, nous allons pas avoir d'autres vidéos cette semaine. Je vais laisser le temps aux gens qui ne sont pas encore arrivés jusqu'à la fin du chapitre 11 d'y arriver. Si vous y êtes arrivés, je vous encourage à réécouter certaines parties du chapitre 11 que vous avez aimées ou que vous n'avez peut-être pas bien compris ou que vous aimeriez comprendre mieux pour qu'on puisse arriver au chapitre 12 ensemble lundi prochain. Parce qu'au chapitre 12, c'est important qu'on ait bien compris le chapitre 11 pour bien comprendre le chapitre 12. Si on a bien compris la foi, nous allons bien comprendre ce qu'il est en train de nous dire dans le chapitre 12. On se voit lundi.